Vas-y. Bon, allez, bah, si tu veux pas. Attends, c'est ça, parce que les enfants, ils ont le temps, ils se mettent dans le cul, hein. Ça va pas être long, hein, parce que moi, j'ai pas des rétus. Je vais pas me laisser emmerder par des. Ah, j'ai les deux minutes, hein. Nous, on va faire juste que plein de brèches que et tout ça. Allez, il y a Pédo derrière. Bon, non, non, on est pas d'accord, hein. Ah, j'ai dit, ah, c'est pas long, hein, parce que t'as toujours un truc que le poids dans les gueules, tu verras, t'avais été craqué. Je vois les corvées. D'accord? Bon. Hein? Salut les affreuses, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de Hot Rods. 2 heures de pur son 70s avec Jackal jusqu'à 20h sur Radio Web Passion. On attache sa ceinture, on passe la première et on accélère. She struts into the room, well I don't know. Démarrage tranquillou pépère avec Alice Cooper, Be My Lover, un titre extrait de son album Killer qui est paru en 1971. Yeah. Extrait du troisième album de David Bowie, The Man Who Sold the World, qui est sorti en novembre 70 aux États-Unis et le 10 avril 1971 en Angleterre. She Shook Me Cold. Écoute Hot Rods. Australien de Smokey en 1978 avec Will You Love Me, une chanson que l'on retrouve sur leur album Past It Around et également en B-side du 45 tours O'Carroll. Et à l'instant, c'était Magic Man de Heart en version longue, celle de l'album Dreamboat Annie. Allez, on continue, prenez place à bord du roller coaster, c'est parti, toujours plus haut, toujours plus fort. Another nail into your whole world. station, and I don't care where I'm gonna go. I'm riding to another station, ain't taking no one in tow. 'Cause when you get left flagged by a woman like that, the heat that was sweet is just another nail into your hole. But I had to get smart. I never bothered with a Bible by my side. I never bothered while that woman was still my bride. Filled with booze one night, I took to using a gun. Now the only thing left for me to do is bothered with a bottle by my side. I never bothered while that woman was still my bride. But filled with booze one night, I took to using a gun. Now the only thing left for me to do is run. I gotta run. Go to run. Gotta run, gotta run, I'm gonna run, 'cause I used the gun, gotta keep on running, or keep on gunning, I gotta run, 'cause I used the gun, and the gun went. l'instant, Uriah Heep, Make a Little Love, un titre de leur 9e album studio, datant de 1976, High and Mighty, haut et puissant, une bonne devise pour Hot Rods, non? Et juste avant, David Byron, qui officiait au chant dans Uriah Heep de 1969 à 1976, avec un extrait de son premier album solo sorti en mars 1975, Roller Coaster. Oh, mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Lawman is putting end to my running and I'm so far from my home. Oh, mama, I can hear you a-crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Single sorti en 45 tours le 9 janvier 1979 et que l'on peut retrouver sur Piece of Eight, leur 8e album studio paru lui en 1978. On va passer maintenant à la French Touch avec une formation parisienne active de 1977 jusqu'au début des années 80, Edith Nylon. Alors le groupe s'est reformé après une pause de 37 années et nous promet un album d'ici la fin de l'année. On va s'écouter le titre Edith Nylon. extrait de leur album Edith Nylon, paru en 1979. À la suite, ce sera Marie et les Garçons, un groupe de la scène lyonnaise formé en 1976 et actif jusqu'en 1980. On s'écoutera leur premier single sorti en 1977, Rien à dire. À votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est ? Bon, je pense que l'hétéro vient de éther. Donc c'est se droguer à l'éther, c'est s'envoyer en l'air en se droguant avec de l'éther. Don't you On va aller faire un petit détour par l'année 1967 avec la chanson Fire, écrite et enregistrée par Jimi Hendrix, sortie en 1967 sur l'album Are You Experienced de Jimi Hendrix Experience, puis qui paraîtra en single 2 années plus tard. Stand next to your fire. aveugle. Field, un single d'AC/DC paru le 10 janvier 1977 et apparaissant sur leur album Dirty Deeds, Dan Dirt Cheap. Et si on s'écoutait un petit Rory Gallagher maintenant ? Direction 1978, sur l'album Photo Finish, voici Shadow Play. Shadow play. Hot Rods active les instincts primaires. Un son pareil, moi ça m'emmène sur le Mississippi sur une barque. Toute la moiteur du bayou qui m'envahit au son de la douce voix de John Fogerty et de Creedence Clearwater Revival, Run Through the Jungle. Que c'était bon tout ça. Welcome to my town. High energy's all around tonight. On est bien là, sur notre Harley. Ça pue le bitume de la route 66. On est quelque part entre le Texas et l'Arizona. Un bon vieux Ted Nugent, Motor City Madhouse, suivi d'un Blackfoot, feeling good. Quoi qu'il en soit, il est temps de clore cette première heure et ce sera avec Alice Cooper, Looney Tunes, extrait de Schools Out. Looking hard and feeling mean.

no disgrace. Yours is no disgrace.